de rien. Passera sur, on oubliera, on oubliera. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même, une âme qui erre là où nul n'a eu l'idée. Le store.